Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la science, cela s'écrit comment ? Ernest Flammarion fut le fondateur des éditions Flammarion en 1876. Et son frère Camille, célèbre astronome, fut en un sens l'inventeur de la vulgarisation scientifique. En 1879, grâce aux bénéfices tirés de la publication de L'Assommoir de Zola, les deux frères publièrent L'Astronomie populaire, qui connaîtra un succès considérable jusqu'en 1924. Dans ce livre atypique, on parlait de la Terre, de la Lune, du Soleil, des mondes planétaires, des comètes, des étoiles filantes ou non, et de l'univers sidéral. Camille Flammarion expliquait son projet en ces termes. « Nous voulons populariser la science, c'est-à-dire la rendre accessible, sans la diminuer ni l'altérer, à toutes les intelligences qui en comprennent la valeur et veulent bien se donner la peine d'apporter quelque attention aux études sérieuses. Mais nous ne voulons pas la vulgariser, la faire descendre au niveau du vulgaire indifférent, léger ou railleur. Il y a là une distinction qu'on ne fait pas assez. La science ne doit jamais être abaissée ou travestie. Elle doit être présentée dans sa sublimité et en pleine lumière. Et c'est à nous de faire l'effort convenable pour nous élever jusqu'à elle. Ajoutons que la nature est belle et agréable, et que la science, qui est son interprétation, doit n'être ni repoussante ni pédantesque. Mais nous ne revendiquons pas le titre de certains vulgarisateurs qui parlent de tout sans rien savoir. » Fin de citation. Près d'un siècle et demi plus tard, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux et du Big Data, pouvons-nous encore penser les choses comme Camille Flammarion ? Comment convient-il désormais d'écrire la science, d'écrire sur la science ? Comment la raconter, la verbaliser ou, mieux encore, la baliser par le verbe ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Camille Jusot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique. Vous êtes responsable éditorial d'une revue qui est assez récente, qui s'appelle Relief au pluriel. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à écrire la science, c'est-à-dire à devenir journaliste scientifique par cette revue, mais aussi à la radio où vous avez parfois travaillé? Qu'est-ce qui vous a donné ces envies? C'est quel parcours qui vous a conduit jusqu'ici? Eh bien, alors moi j'ai un parcours, j'ai commencé en fait par les sciences. Donc j'ai commencé en biologie moléculaire à l'université Paris-Descartes et en fait sur les bancs de la fac étudiante j'avais un grand plaisir à écouter mes professeurs parler, donc c'était des cours en amphithéâtre, mais j'avais l'impression qu'ils me racontaient des histoires en fait, donc c'était des histoires autour d'une cellule ou autour de tissus ou parfois de molécules, donc des choses qui sont assez des histoires qu'on n'entend pas en fait dans le quotidien, mais qui sont fascinantes aussi d'une certaine manière avec des talents de narrateur, donc pour certains professeurs qui étaient vraiment intéressantes et vivantes, et je m'interrogeais beaucoup en fait par le fait que dans mes milieux, je sais pas, amical, on ne parlait pas de ces histoires-là, ce type d'histoire, qui pourtant, à mon sens, font vraiment rêver et qui auraient intéressé beaucoup de monde. Et alors, du coup, j'ai voulu aller voir un petit peu comment il était possible de raconter ces histoires en dehors du cadre universitaire. Et alors, je me suis dirigée vers le journalisme scientifique et j'ai toqué à différentes portes pour tester, pour voir si ça pouvait marcher, pouvait me plaire aussi. Et en fait, ça a marché avec la radio. J'ai commencé dans une radio associative qui s'appelle Aligre, à Paris. Et donc, j'ai fait des reportages en allant voir des scientifiques et essayer de raconter leur manière de travailler, aller dans des laboratoires, voir comment justement se fait ce rythme scientifique qui est assez lent, qui est assez... Mais vous avez aussi fait des études d'histoire et de philosophie des sciences. Voilà. Est-ce que c'est un complément nécessaire pour être journaliste scientifique? Eh bien, en fait, moi, j'ai ressenti cette nécessité-là au moment où, donc, en fait, après Aligre, j'ai travaillé à La Tête au Carré sur France Inter. Et donc j'ai appris beaucoup de choses et fait des émissions diverses sur divers sujets scientifiques. Ça allait des mathématiques à la biologie, à l'histoire des sciences parfois aussi. Et en fait, j'avais besoin, je crois, de contextualiser tout ça et de mettre ça dans un ensemble qui soit cohérent. Donc je me suis intéressée effectivement à cette formation à Paris Diderot. Surtout au départ pour l'histoire, j'avoue. J'avais pas tant, c'est vrai que j'avais une vision de la philosophie qui datait de mon lycée, forcément. Donc je crois que je percevais pas vraiment ce que la philosophie pouvait me donner avant d'y rentrer. Et en fait, j'ai eu un véritable coup de cœur pendant les études. C'est une formation qui est très très intéressante, qui en fait propose beaucoup de portes ouvertes sur différents sujets. Donc il y a des matières qui peuvent paraître très spécifiques comme je sais pas, j'avais fait un cours par exemple de sciences au Moyen Âge de sciences médicales au Moyen Âge, je crois, encore plus spécifique. Et en fait, c'est je crois que ça nous apprend pas une grande histoire figée, mais une manière de penser en fait, et une manière critique de penser. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon exercice du journalisme scientifique, je crois, aujourd'hui, notamment dans la revue Relief, parce que c'est en fait interroger des notions, faire ressortir les grandes interrogations du monde. Et ça, je crois que c'est le rôle en fait du journalisme scientifique, que de faire ressortir en fait des questions que la science, dans son exercice un peu spécifique, un peu très méthodologique aussi, peut pas forcément faire, parce qu'il y a une besoin de prise de recul. Et c'est un intermédiaire avec la société civile qui se pose souvent ces questions-là, qui sont en fait des questions de curieux. Mais avoir un tout petit peu de matière et de connaissances et de savoir, ça aide aussi à poser les bonnes questions, parce que... Alors, Camille Jusot, j'ai présenté tout à l'heure l'émission en parlant de, et en citant même Camille Flammarion. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le père de la vulgarisation? Et est-ce que vous êtes d'accord, d'abord, est-ce que c'est un modèle pour vous? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction qu'il fait entre populariser la science et vulgariser la science? Il dit populariser, c'est, il faut, on monte jusqu'à la science, on se met à son niveau, sans la dénaturer, alors que vulgarisation, on descend la science au niveau où elle devient accessible pour tout le monde. Est-ce que cette distinction vous semble aujourd'hui pertinente? Alors, Camille Flammarion, effectivement, c'est quand même effectivement un beau modèle, et j'aime beaucoup la citation effectivement que vous avez énoncée au début de cette émission. C'est un modèle déjà parce que je trouve que dans cette génération-là, des scientifiques écrivains, entre guillemets, de cette époque-là, il y a, je pense aussi à Buffon, par exemple, qui avait une manière d'écrire la science plutôt sur les espèces végétales et animales, mais très belle, en fait, très littéraire. Et ça, c'est vraiment une catégorie d'écriture et de mêler la science et la culture que je trouve assez et l'aventure, belle. C'était des aventuriers aussi. Et l'aventure, parce qu'effectivement, Camille Flammarion s'est mariée deux fois, et la première fois, le voyage de noces s'est fait en ballon. Ah ben je savais pas, je suis ravie de l'entendre vraiment. Et ils avaient une façon d'écrire tout à fait magnifique, lyrique. On peut lire quelques extraits d'un livre de Camille Flammarion qui s'appelle La Ballade Céleste. Les étoiles ont révélé leur constitution chimique aux investigations hardies et infatigables du spectroscope. Les soleils qui brillent dans les profondeurs de l'infini se montrent animés de vitesse rapide. Les nébuleuses nous font admirer aujourd'hui, dans le champ télescopique des instruments récemment construits, d'immenses et inénarrables agglomérations de soleil. Les comètes vagabondes ont laissé surprendre les secrets de leur formation chimique et leur parenté avec les étoiles filantes. Les planètes sont descendues jusqu'à notre portée, le soleil a dévoilé sa constitution physique, la lune laisse photographier ses paysages et descend à quelques lieues de notre vision stupéfaite. Voilà, ce texte, il est éloquent parce que justement, il montre à la fois, il parle de la méthode, du fait que finalement, donc le ciel qui a beaucoup, beaucoup fait rêver, je trouve que c'est un très bon exemple de justement c'est un champ d'études scientifiques avec des théories particulièrement complexes et compliquées, notamment aujourd'hui, mais qui malgré tout a toujours fait rêver chacun, tout un chacun. Et lui arrive à mêler, par exemple, dans ce texte-là, à la fois cette étude par les spectroscopes, par divers instruments assez compliqués qui sont pas forcément connus du public. Et en même temps, une plume, voilà, où on sent le rêve, on sent l'envie, on sent la... On sent vraiment cette poésie, en fait, qu'il y a dans cet élément naturel-là. Et donc, pour revenir sur ce mouvement vers le haut ou vers le bas de la diffusion des sciences, c'est un avis, il y en a beaucoup d'autres, il y a eu beaucoup de théories là-dessus, mais je pense qu'en fait, les deux sont concomitants. Et que pour vraiment trouver ce juste milieu, ce point de tension qui peut faire justement que l'information scientifique puisse arriver vers le public, il faut qu'il y ait à la fois une envie de la part du milieu scientifique d'aller vers un champ plus large, vers aussi accepter que peut-être il y ait des images qui soient prises, que de sortir des cadres très rigides ou très théoriques, et en même temps, il faut une envie du public aussi d'aller vers et de pas se dire que finalement ce n'est pas fait pour nous. Alors les enfants souvent en fait ont cet instinct initial, voilà, de s'interroger, d'être curieux, de voilà pourquoi ils disent toujours pourquoi, les enfants en fait, et ils vont observer aussi. Ils ont une manière très scientifique dans la méthodologie de s'interroger par rapport au monde, d'aller voilà voir un essaim de fourmis et finalement c'est pas toujours c'est peut-être un peu idiot parfois, mais de mettre un pétard dedans, voir comment ça fonctionne, comment ça réagit, et ça finalement c'est ce qui est fait aussi en laboratoire. Et au fur et à mesure peut-être que on grandit, parfois il y a des personnes qui se dirigent vers d'autres champs que la science et qui se disent à un moment donné la science c'est pas pour moi. Et ça, je suis convaincue en fait de l'inverse, c'est que quand on raconte les bonnes histoires, et il y a effectivement une façon de le faire, et là je pense que le journaliste scientifique a quelque chose à faire là-dessus, et bien quand on arrive à parler à l'oreille des adultes, on arrive à réveiller un peu cette âme d'enfant. Donc vous êtes une militante du bien écrire la science, parce qu'on pourrait dire finalement la science, ce qui compte c'est que elle accède à des vérités scientifiques entre guillemets, et l'important c'est de les transmettre. La forme compte peu, ce qui importe c'est le fond. En fait la forme fait partie du fond, et si on écrit mal la science, on la transmet mal. Exactement. Alors les deux sont, c'est-à-dire que écrire bien la science sans fond, ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc il faut être très attentif à la justesse de ce qu'on raconte. Mais selon moi, il y a vraiment une, en fait, on peut faire vraiment passer plus de choses avec une forme, avec une manière d'écrire, avec tout un ensemble de petites astuces en fait, l'image aussi, l'image dans la, par exemple dans le papier, dans les initiatives papier, en journalisme, en presse, il y a vraiment un accompagnement aussi entre l'image, le texte, il y a des résonances. Mais Paul Valéry disait par exemple, il est plus facile d'écrire une belle chose que d'écrire une chose juste. Donc ça veut dire que la justesse demande un travail particulier, que la beauté peut masquer ou peut rendre non nécessaire. Complètement. Et ça, je pense que justement, nous, on est dans ces initiatives-là, on est d'abord en quête de justesse, et c'est nécessaire. Et si on perd ça à un moment donné, on s'éloigne vraiment de la qualité de notre travail aussi. Et c'est-à-dire que la rendre belle, en plus d'être juste, si on peut y arriver, tant mieux, selon moi. Après, voilà, c'est vraiment un travail important que de choisir cette justesse d'information, etc. Nous, on s'appuie beaucoup, enfin moi, dans mon cursus, dans mes différentes expériences professionnelles, je me suis beaucoup appuyée aussi sur la parole directe des scientifiques. C'est-à-dire que c'est un travail main dans la main, en fait. À la radio, c'est effectivement des personnes invitées qui ont la parole. Nous, on crée, comme vous le faites ici, des conditions pour que cette parole-là soit accompagnée, qu'elle soit mise en valeur. Il peut y avoir tout un, voilà, un accompagnement aussi sur la manière de s'exprimer, comment rendre un sujet, faire ressortir ses principes un petit peu plus profonds, comment expliquer aussi en rendant ça attractif. Et dans la revue, dans le papier, ce sont nous, en tout cas, on travaille avec des scientifiques qui écrivent les textes eux-mêmes. Donc c'est quand même eux qui ont la plume. Après, c'est un travail, voilà, ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui écrivent tout de suite très bien parce que ils ont peut-être eu l'habitude, etc. Mais nous, on a vraiment l'envie de donner la plume à pas que à des personnes qui écrivent bien. Donc parfois des chercheurs qui ont écrit moins de livres, mais qui ont un sujet qui est absolument passionnant. Et donc, il y a un accompagnement dans ces cas-là de la manière d'écrire le texte. On va proposer peut-être des formes d'écriture aussi auxquelles ils n'auraient pas pensé. Par exemple, écrire à la première personne. Nous, donc, on a une revue où il y a de la place. Le principe, c'est de l'écriture, mais de l'écriture longue et pas que du fait, mais vraiment, voilà, faire aussi le lien entre le passé, le présent, une histoire actuelle et les perspectives de demain, mais au regard de ce qui s'est passé hier et de comment se faisait aussi cette méthodologie qui a évolué. Et en fait, voilà, la manière de raconter ça, donc sur 7-8 pages, c'est vraiment en fait comme une petite nouvelle. Donc c'est un travail que les scientifiques n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et en fait, on est souvent très très bien surpris. En fait. Alors vous connaissez le principe de l'émission, Camille Jusot. Vous devez choisir un premier morceau musical que nous allons écouter. Mmh. Et ensuite, vous nous direz de quoi il s'agit et pourquoi vous l'avez choisi. Quel est ce morceau que je ne connais pas ? Alors, il s'agit de Canopée de Polo and Pan. Et en fait, j'ai choisi ce morceau-là parce que il me fait penser à une expédition que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Radeau des Cimes, qui a été montée dans les années 70 par un botaniste français qui s'appelle Francis Allais. Et en fait, son idée, ça avait été d'étudier les canopées des forêts tropicales, ce qui est en fait pas évident puisque, comme on le sait tous, c'est très très haut, les arbres de ces régions-là. Et donc, il y avait une manière d'étudier la biodiversité où il fallait toujours, partir du sol et monter jusqu'en haut, donc c'était assez fastidieux. Et avec, un ami un peu inventeur, architecte, ils ont eu cette idée de faire une sorte de radeau qui avançait à l'horizontale sur la canopée, qui permettait de faire une plateforme d'études et de prendre les espèces, de les ramener, de les collecter. Et voilà, donc c'est une expédition qui existe encore. Donc tous les 2-3 ans, ils partent explorer diverses canopées avec un ensemble de scientifiques, ces scientifiques aventuriers justement, que j'aime beaucoup. Je sens que pour vous, il y a un lien entre la science, l'aventure, et il y a aussi un lien entre l'aventure et le voyage. Oui, complètement. Je pense que... Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est une catégorie de manière de faire la science. En fait, c'est la science de terrain, on va dire. Donc on imagine plutôt le scientifique devant un écran d'ordinateur, voilà, et quelle en que fait, soit sa discipline. Et en fait, il n'y a vraiment pas du tout que ça. Et voilà, pour une invitation au rêve, je pense que avoir conscience de tous ces scientifiques-là qui sont en fait des baroudeurs qui ont tout un tas de petits objets avec eux pour voilà piocher, aller dans des forêts complètement très difficiles d'accès. Donc bon, voilà, c'est même physiquement c'est pas forcément évident. Après, il y a toujours un chef d'expédition en général qui leur permet de d'avancer. Et voilà, il y a une vraie, il y a justement cette curiosité de la nature chez ces scientifiques-là qui prime, je pense, au départ. Mais est-ce que c'est la curiosité qui les fait voyager ou est-ce que ce sont les voyages qui les rendent curieux? Une sorte de poulet d'œuf, vous allez me dire. Oui, je pense que c'est l'un et l'autre existent dans leur démarche. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ils se laissent toujours surprendre par la nature. Ces scientifiques-là qui vont vraiment sur le terrain, il y a vraiment une, ils sont confrontés directement à la difficulté des éléments naturels, ce qui est autre chose que la difficulté de laboratoire, qui est tout aussi importante, mais qui est plutôt, on va dire, d'un ressort intellectuel ou parce qu'une expérience ne va pas marcher, qu'il faut la reproduire, qu'il y a des temps de voilà d'incubation, de diverses produits, etc. Mais là, on sent c'est chez vraiment... vous que la science provoque de l'émerveillement, comme chez Camille Flammarion, mm-hmm. comme chez Jules Verne d'une certaine façon aussi, alors que dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, elle est associée à la menace, oui. au risque. Est-ce que on peut continuer à Jules Verniser la science aujourd'hui? Eh ben j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, nous. Et je pense qu'il y a toute une lignée de journalistes scientifiques qui travaillent à ça aujourd'hui. Je pense notamment à l'émission Le Temps d'un bivouac aussi, qui est l'été sur France Inter, qui parle aussi de tous ces aventuriers-là, en fait. Et, donc il y a des biologistes, il y a des climatologues, voilà, y a des volcanologues, complètement, des ethnologues. Des anthropologues, et puis après il y a plein de microsciences, type les spécialistes de certaines toutes petites araignées dans un certain niche écologique, etc. Donc il y a une diversité en fait du champ des possibles, et en fait la matière première de ces sciences-là, c'est la Terre. Et donc effectivement il y a un soubassement dans toute cette initiative de terrain qui est écologique et environnementale, et c'est des questions qui, à mon sens, sont particulièrement importantes et imminentes aussi aujourd'hui, et qui, en écoutant, en donnant la parole à ces personnes-là qui vivent en fait ce terrain et comprennent et sont à l'écoute, ont une oreille très attentive, très fine sur, je pense même à des chercheurs qui étudient le champ des dunes, donc c'est les micros. Le champ des dunes. Le champ des dunes, c'est, c'est fascinant. Vent provoque. Voilà, c'est le vent qui provoque sur certaines formes et certaines typologies de sable, en fait un champ, voilà, un son qui se répercute et qui est assez fascinant, donc dans des endroits très très précis de la planète. Et en fait, parler de ça, ça permet de parler plus globalement d'environnement. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je prends l'exemple du changement climatique, il y a deux façons de le percevoir. Soit on regarde une courbe qui montre comment les températures varient en fonction de l'activité humaine, ou bien il y a aller voir sur le terrain les effets que produit ce réchauffement. Mmh. Et vous êtes plutôt partisane de la seconde méthode, de montrer ce qui se passe là où ça se passe. Alors oui, bah en fait, parce que il y a des prélèvements en fait sur le terrain qui permettent aussi de tirer ces courbes. Je pense par exemple au climatologue Claude Lorius, qui a été le premier à montrer ces courbes du climat, et il a montré ça grâce à des prélèvements de calottes glaciaires en Antarctique. Et son histoire, qui a été traitée par Luc Jacquet dans un film qui s'appelle La glace et le ciel récemment, son histoire, c'est celui d'un d'un jeune garçon en université qui avait l'envie de l'aventure, l'envie de découvrir, et du coup il s'est inscrit pour partir sans trop savoir comment, pourquoi, dans quelles conditions. Et il s'est retrouvé dans une chambre sous la glace avec 3-4 autres garçons à, pendant des tempêtes de neige, à rétablir leurs petits outils de prélèvement qu'ils avaient mis en place pour mesurer à la fois la météo, le vent, et puis mettre tout un système en place pour comprendre ce climat-là. Et ils ont fait beaucoup de prélèvements de calottes glaciaires, et cela a donné finalement des courbes et des données scientifiques très mathématiques, en fait. Donc c'est quelque chose qui coexistent, à mon avis. Et vous pensez que l'écriture, c'est ce qui rend la science humaine? C'est-à-dire qu'on, la science, en fait, elle ne parle pas de nous. Mais en l'écrivant, on la rend plus humaine. C'est-à-dire, on réintroduit celui qui l'a fait avancer. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, voilà, effectivement, raconter ces histoires-là, c'est parler de science en prenant une autre porte d'entrée que celle des courbes, mais en prenant celle des hommes qui ont produit ces courbes et en racontant, voilà, qu'il y a effectivement quelque chose de simple, en fait, quelque chose de juste qui relève de la curiosité, qui relève de l'émerveillement. Et en fait, on peut beaucoup plus s'identifier, à mon avis, à ce genre d'histoire et se dire que en fait, ça fait partie de nous et c'est un enthousiasme. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous avez des exemples de textes dont la qualité littéraire et scientifique vous touche particulièrement? Des façons d'écrire qui font que la science tout d'un coup devient à la fois une source de vérité et une source d'émerveillement? Eh bien, il y a des scientifiques, effectivement, qui ont collaboré notamment à la revue, qui écrivent très très bien. Je pense à Philippe Descola, qui est un anthropologue dans les lignées de Claude Lévi-Strauss. Qu'on a reçu à la conversation scientifique. Voilà, qui a beaucoup, beaucoup de qualités. Il parle très bien déjà donc dans les émissions de radio, mais il écrit aussi vraiment très, très bien. Claude Lévi-Strauss, puisqu'on en parle, écrivait aussi extrêmement bien. Triste Tropique, c'est magnifique parce que c'est un carnet de bord d'aventurier, finalement. Claude Lévi-Strauss écrivait très bien, mais il confessait, je le cite, « Écrire, c'est un labeur exténuant. » Je veux bien le croire, mais c'est ça qui est beau dans... Bon, voilà, pour prendre le plus célèbre Triste Tropique, c'est que c'est un mélange entre de la matière scientifique, puisqu'il prend toutes ses notes pour se souvenir, puisqu'il faisait de l'ethnographie qui est vraiment... Donc en fait, noter tous les détails des différentes cultures qu'il avait rencontrées, leur manière de faire, leur manière de... Donc voilà, c'est de l'observation pure, donc c'est un carnet de bord et une matière scientifique. Et puis de ça, de cette matière-là, il en a fait un produit littéraire, un produit aussi du coup anthropologique, donc une vraie philosophie, une pensée plus globale qui s'instaure à partir d'une observation locale. Et c'est un texte qui mélange, qui est un produit à la fois scientifique et à la fois littéraire. Et je pense que tout libraire reconnaîtrait les qualités littéraires d'un texte de ce type. Le public aime aussi ce genre d'histoire. Et en même temps, c'est un livre qui est un matériau d'étude pour de nombreux étudiants, pour comprendre voilà comment ça est construit. Alors en vous écoutant, je repense à une sorte de slogan qu'on entend depuis pas mal d'années, qui est une sorte d'injonction selon laquelle il faudrait mettre la science en culture. Mm-mm. Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que le mouvement inverse est encore plus intéressant, c'est-à-dire mettre de la culture dans la science. Raconter des histoires, raconter des aventures, montrer comment elle se construit, quels sont les résultats qu'elle obtient, et toujours ramener ce qu'elle découvre à la curiosité initiale qui a permis de faire telle ou telle découverte. C'est vrai. Ben, encore une fois, je pense que les deux mouvements existent. Mais oui, tout à fait. Je pense que... Et ça, pour revenir au rôle du journaliste scientifique, en fait, c'est... Il y a des scientifiques qui, donc, de manière spontanée, comme Philippe Descola, comme Claude Lévi-Strauss, font ce mouvement, font des produits qui sont très accessibles et qui sont des produits culturels. Mais en fait, peut-être, voilà, un ensemble de personnes qui travaillent autour de ces sujets-là peuvent faire des rapprochements des sciences avec des choses qui sont de la culture plus, on va dire, peut-être artistique, peut-être littéraire aussi, peut-être... Et d'ailleurs, il y a des débats, mais le mot culturel, souvent, éloigne un peu la science de son cadre. Beaucoup de personnes... La culture scientifique, on l'isole parfois de ce champ culturel. Et en fait, voilà, l'intégrer et la rapprocher... de ce que peut produire l'art, la littérature ou la musique même. Musique et science, il y a beaucoup de pans intéressants. Et c'est des initiatives qui sont intéressantes. Et c'est vrai que peut-être pour un lecteur, par exemple, voir de manière proche des planches photographiques de donc, photographes contemporains qui sont allés explorer des déserts et qui l'ont traité sous certaines lumières, etc. Et le mettre en regard ou juste après dans une histoire d'un texte plus scientifique sur ces mêmes déserts, peut-être que sans que ça soit d'une manière très douce, ça va infuser dans l'esprit un univers, en fait, et une balade. Et voilà, moi c'est un peu le journalisme scientifique que j'ai envie de proposer aujourd'hui. On l'a bien senti, on va revenir d'ailleurs sur ces relations entre la science et l'art, mais j'avais une question un peu plus politique à vous poser avant, c'est celle de savoir quelle portion de la science, d'après vous, peut être transformée en véritable bien public. Tout est-il transmissible ou y a-t-il des limites à ce que la science puisse être l'affaire de tous ? Ce sont des questions un peu choquantes parce qu'elles secouent la croyance commune en la transparence de la communication. On a tendance à croire que plus le débat est public, On a tendance à croire que plus le débat est public, plus on a de garanties que le partage a bien lieu. Qu'il s'agisse de partage de pouvoir, de savoir, d'information, de responsabilité. Mais est-ce que c'est comme cela que les choses se passent ? Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font... votre métier, qui transmettent la science, qui la diffusent, et est-ce que les connaissances scientifiques augmentent notoirement ? Est-ce que c'est efficace ? C'est une question très actuelle en plus, mais et qui revient souvent, qui est une vraie interrogation, je pense qu'il faut avoir en tête et se rappeler tout le temps. Il y a évidemment une nécessité, si on vit en démocratie, et il y a une nécessité d'écouter la pulsation finalement des sociétés, qui ne va pas forcément dans le même sens que celui des experts ou des scientifiques, des communautés de chercheurs. Après, il y a vraiment une véritable dialogue à instaurer qui parfois se rompt, et c'est les moments un peu plus problématiques à mon avis, qui parfois existent un petit peu mieux, entre les peurs, les croyances, effectivement, de sociétés, mais qui ont leur légitimité aussi, et les savoirs concrets et des méthodes qui sont pas forcément accessibles dans la manière dont elles se produisent, etc., par tout le monde. Donc il y a c'est une grande question de vérité, démocratie, etc. Et je pense qu'il faut vraiment nourrir en fait le dialogue qui peut s'instaurer entre les deux, mais qui est pas toujours évident. Et quand la rupture est là, le discours scientifique se trouve confronté à cette nouvelle chose qu'on appelle la post-vérité, avec cette idée que dès lors qu'on trouve toutes les thèses sur Internet, comment choisir celle qui est la bonne ? Eh bien, à partir de critères qui viennent de ses croyances initiales, et on va déclarer vraies les idées qu'on aime, tout en déclarant par ailleurs qu'on aime la vérité. C'est extrêmement dangereux. Alors, quel est le rôle du journaliste scientifique ? De faire la part des choses ? De prendre parti, d'expliquer la démarche scientifique, d'expliquer comment on a su ce qu'on sait. Effectivement, il y a une notion d'engagement. Il y a des moments où, sans doute, il faut sortir de ces territoires de confort. Et si la situation est dans un état de crise où la vérité, effectivement, est remise en question... Non pas pour violenter ou pour accuser la société de mauvaises croyances ou d'imbécilité ou je ne sais quoi, mais surtout pour juste rappeler que le travail des scientifiques, la vérité scientifique est quelque chose justement qui se construit, qui a ses ancrages dans le réel et qui a non pas une volonté contre, mais une volonté en fait dans un intérêt qui est plus global, plus général, etc. Et c'est, alors moi j'aurais tendance à dire, c'est rétablir le dialogue qu'il faut que les journalistes scientifiques arrivent à faire. Donc parfois effectivement en se mettant plus en danger peut-être, ou en, peut-être qu'il faut prendre la parole, ça c'est une vraie question d'habitude, c'est quand même, je pense qu'il faudrait que ça soit vraiment les scientifiques qui le fassent parce que c'est eux qui ont la connaissance, mais s'il le faut, peut-être qu'il faut effectivement, en tout cas, expliquer pourquoi les scientifiques ont une parole qui est valable. Et donc, c'est une histoire. C'est la construction des sciences. C'est une parole incomplète, parce que les scientifiques savent ce qui est. Enfin, en tout cas, la science a vocation à décrire ce qui est, ce qui se passe. Mais elle n'est pas compétente pour dire ce qui devrait être. Mm-mm. Et donc elle n'éclaire pas forcément directement les choix technologiques. Et les choix politiques, non, c'est sûr, ça coexiste. Mais les choix politiques en démocratie sont aussi des choix qui peuvent être validés ou invalidés par le peuple. Et cette validation, on parlait peut-être de ces notions de... Ouais, ces mots de post-vérité qui sont assez récents, etc. Il y a une validation... sur les réseaux sociaux, inconscientes du peuple pour certaines idées qui sont fausses, enfin qui sont fausses selon les ressorts scientifiques. Et là-dessus, il y a sans doute quelque chose à faire, effectivement, de rappeler que la science est, selon moi, aussi assez bien. Enfin, il faudrait peut-être aussi que les gens comprennent que la science hésite aussi et qu'elle pose pas une vérité qui est figée. Et c'est très rassurant en fait, en tout cas pour moi quand j'ai compris ça. Oui, mais il y a quand même des ça. Choses qui sont bien établies. Par oui, exemple, voilà, il y a des choses. L'atome existe. Bien sûr. La Terre est ronde. Évidemment, mais en fait, ces vérités qui sont établies, elles ont été établies après. Des doutes et des controverses, etc. Et ça se met en place en ayant été réinterrogé à chaque fois. Et peut-être que cette démarche-là, si on en avait plus conscience, enfin si tout un chacun avait plus conscience, ça ne serait pas remis en question aussi facilement, puisque en fait ça découle d'une histoire qui est longue. Mais est-ce qu'on peut dire que du coup la science, enfin le discours scientifique est victime d'une sorte de crise de la patience? C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'écouter quelqu'un expliquant tous les arguments, la façon dont ils se sont enchaînés dans l'histoire des idées, de sorte qu'à la fin, on produit un énoncé qui ressemble à une opinion. Là, je vous rejoins assez. À mon avis, il y a quelque chose effectivement du temps qui joue beaucoup dans cette histoire-là. C'est qu'on a tendance au moins là. Il y a énormément de choses qui passent très vite, de faits, de détails, d'émotions aussi. Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu dans notre expérience du réel. Et ça, c'est assez dommageable. Et retrouver le temps, mais ça, c'est une démarche aussi qu'il faut réapprendre, qu'il faut proposer aussi via divers intermédiaires, mais c'est très nécessaire, à mon avis, que ça existe et que ça existe plus, et de proposer plus de temps pour que les gens comprennent. Parce que la science, la compréhension du monde, etc., demande du temps et demande un investissement aussi. C'est ce que disait déjà Camille Flammarion pour expliquer la différence entre vulgariser et populariser. Populariser, ça veut dire qu'on doit monter jusqu'à la science et non pas attendre qu'elle descende vers nous. Mais en plus, ça fait du bien de prendre ce temps-là. Véritablement, oui, prendre le temps de la lecture. Voilà, on va tous très vite, etc. Mais le temps de rentrer dans la lecture, de rentrer dans une histoire, on en sort, on est bien, on est content. Et on a appris sans s'en rendre même compte. Et c'est une manière Jules Vernienne d'apprendre, mais qui n'a pas eu grand, grand plaisir à lire 20 milieux sous les mers. Enfin, voilà, c'est... Alors, vous parlez de temps. Le temps est venu d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi. Plus de lune, juste une terre. Encore une chanson que je ne connais pas. Alors c'est Mars balnéaire de Flavien Berger. Et cette musique-là, je l'ai choisie parce qu'elle parle donc de Mars. Et donc on en parlait tout à l'heure, mais de tout ce qui est ce bestiaire stellaire, astronomique qui fait rêver à peu près tout le monde. Et en fait, elle a cette touche psychédélique que j'aime bien. Et parce que voilà, ça c'est très, pour moi c'est une manière de percevoir ces objets scientifiques, ce ciel, avec rêverie en fait, et avec simplicité, avec un peu d'humour aussi peut-être. Mars balnéaire, vous pensez qu'un jour on ira se baigner sur Mars? Moi j'aimerais bien. Alors vous avez parlé tout à l'heure de votre propre initiative, du rapport entre science et art, Camille Jusot. Comment est-ce que vous voyez ces rapports? Parce que la science et l'art, c'est quand même deux choses différentes. Mm-mm. Même si peut-être elles ont un moteur commun, elles ont des pratiques très différentes. Oui. Alors, il faut faire attention, je pense, de les, non, c'est toujours ces notions de vocabulaire-là, mais de les mettre à côté, puisque effectivement, c'est pas du tout les mêmes initiatives, les mêmes méthodes. Mais en fait, je pense plutôt que des sujets qui intéressent les scientifiques sont des sources d'inspiration potentielles pour des artistes, et que les deux champs produisent des formes qui sont complètement différentes, qui ont des visées différentes, qui s'expriment de manière différente, mais qui utilisent les mêmes sources d'inspiration au départ. Et les deux productions m'intéressent beaucoup et fascine d'une manière différente, je pense, et sont curieuses en fait, interrogent notre curiosité aussi. Par exemple, pour prendre effectivement l'astronomie, c'est un champ qui donc est un champ scientifique. On le voit avec cet engouement, par exemple, du public justement pour ces disciplines astronomiques. Rosette et Phileas, ça a été vraiment une saga complètement suivie par le public. C'était fou, c'était beau aussi à voir, c'était très très agréable sur certaines émissions scientifiques. Et à côté de donc tous les scientifiques qui étudient ces champs, il y a aussi beaucoup d'artistes qui s'inspirent de l'astronomie pour faire leurs œuvres. Je pense par exemple à un photographe, Harry Guyert, qui a fait une série qui s'appelle TV Show, où il reprend des postes de télévision et des bobines d'éléments historiques, et il prend donc le premier pas sur la Lune Et il retravaille en fait les couleurs, l'image, il distorsionne. Et donc, c'est une recherche sur la photographie, mais à partir d'une histoire voilà, scientifique, astronomique. Et il y a ça, il y a aussi James Turrell, par exemple, qui fait ces grandes installations où il y a une manière de voir le ciel dans une boîte. Donc, ça nous change complètement notre regard dessus. Plus proche de moi, peut-être, de notre travail chez Relief, on travaille avec des dessinateurs. On a fait un numéro sur les galaxies, par exemple, avec beaucoup, beaucoup de plaisir à construire, à travailler sur ce numéro. Et notre illustrateur Clément Vuillier, qui a fait les couvertures et il a dessiné une superbe galaxie. Et c'est pas du tout évident et c'est pas du tout un travail qui se base sur des distances très précises, etc. C'est un travail artistique et qui évoque autre chose. Et selon moi, c'est voilà, ça touche plutôt à une corde sensible, une interrogation sensible du monde qui est pas si éloignée de la science que ça, à mon avis. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, je voulais vous faire réagir à un texte de Bertolt Brecht sur les rapports entre science et art. C'est tiré de L'achat du cuivre qu'il a écrit en 1945. Je lis quelques lignes. Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes dont ils ignorent tout. Ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Je saute quelques lignes et ça donne ceci. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. Il n'existe personne qui soit totalement dépourvu de savoir et il n'existe personne qui soit totalement dépourvu d'art. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Oui. Donc il faut jouer en quelque sorte sur les deux tableaux parce qu'en fait c'est un peu la même chose. Je ne sais pas s'il faut jouer sur les deux tableaux tout le temps. Mais effectivement, comme le dit le texte, je pense que les deux ont vraiment leur place et il faut qu'elles existent et faire en sorte qu'elles existent. Après, nous, dans la revue Relief, Oui, parlez-nous de cette revue-là que vous avez plusieurs fois citée. Vous êtes la responsable éditoriale. Relief, c'est au pluriel. C'est une revue qu'on trouve en librairie. Voilà, c'est une revue qui est toute jeune. Qui est en librairie depuis janvier 2016, donc effectivement qui a un peu plus d'un an. On a fait 4 numéros, un cinquième tout récemment au printemps, qui est sorti en mai. Et en fait, les reliefs au pluriel, parce que effectivement, ce sont les reliefs terrestres, le fil conducteur de cette revue. Et à partir de ces balades sur différents territoires, à travers différents grands espaces géographiques. C'est la géographie, l'espace, qui est prétexte à raconter des histoires. Voilà. Et parmi ces histoires-là... C'est relativiste, on mélange le temps et l'espace, finalement. Effectivement, complètement. Voilà, parce qu'effectivement, la deuxième chose importante qu'on trouve dans Relief, c'est un mélange entre le passé et le présent. L'idée de comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui et entrevoir un petit peu les questions de demain au regard de ce qui s'est passé hier. Donc on mêle vraiment le passé et le présent. On parle des hommes, on parle de biologie, on parle de géophysique. L'idée vraiment, c'est de s'interroger en se baladant dans des espaces naturels sur ce qui s'y est passé. Et on raconte en fait des aventures. Et à travers ça, sur ces différents espaces, en fait, on met à côté des disciplines très scientifiques qu'on aide à se verbaliser. Voilà, se verbaliser, à avoir un vocabulaire, une écriture justement qui déjà se rapproche un petit peu peut-être de strates littéraires. Donc, on mélange vraiment les sciences avec un traitement littéraire. Et infographique, on travaille avec un studio graphique qui s'appelle The Shelf Company, qui fait des très très belles mises en graphique, des dessins aussi. Voilà, donc il y a une touche iconographique, une part iconographique qui est énorme. Et voilà, et justement, c'est mettre à côté art et science dans la forme, et au sein même d'articles scientifiques, il y a une iconographie qui est soit photographique, soit illustrée. On fait appel à beaucoup de dessinateurs aussi dans la revue et des artistes aussi. Au sein même d'un texte qui va être écrit par un scientifique. Donc on met les apports comme ça de différentes personnes qu'on appelle, qu'on choisit nous en amont, ça c'est notre travail, pour en faire quelque chose qui peut paraître un peu hybride, mais qui en fait sont là pour raconter, pour donner de la matière à une histoire qui est la même, en fait. Et aussi de la lenteur, parce que nous disions tout à l'heure que la science est victime d'une crise de la patience, on n'a pas le temps de comprendre de quoi il s'agit, alors que, d'ailleurs je ne sais pas à quoi c'est dû, mais quand on lit cette revue, on est invité à le faire lentement. Mmh. Il y a des revues scientifiques qui sont saturées d'informations, d'images, de titres, de photos, et là, au contraire, on ne peut pas lire vite cette revue. Il y a une sorte de rythme imposé par la mise en page ou par les illustrations, la façon de procéder qui rend la chose très, très proche d'une itinérance lente au travers de différents paysages. Oui, c'est exactement un appel à la patience, et puis le mot paysage marche bien puisque bah, rien que quand on le voit comme ça posé sur une table, ça fait 200 pages. Ça s'approche presque plus d'un livre, c'est une revue. Mais les revues, voilà, tanguent un petit peu entre le magazine et le livre. Nous, je pense que le curseur va un petit peu vers le livre. Et nos illustrations, notre couverture, c'est une illustration pleine page de paysages qui sont traités dans ce dossier central. Chaque numéro parle d'une thématique traitée dans un dossier central, et donc ça c'est un tiers à peu près du magazine. Dans cette thématique, on explore les différents aspects qui sont nécessaires. Par exemple, les pôles, les tropiques, les galaxies, le ciel, les abysses. Et là, le dernier numéro, c'est sur le ciel, qui inaugure la collection Horizon, parce qu'on fonctionne par collection annuelle. Ça aussi, c'est pas vers le livre. Et dans ce dossier central, l'idée et scientifique aussi, c'est d'apporter les éléments nécessaires à s'interroger justement sur cet espace naturel. Donc par exemple, dans les tropiques, il était absolument fondamental de parler d'anthropologie via une interview avec Philippe Descola justement, mais aussi de biologie. Alors on a traité ça avec un angle particulier en parlant de l'histoire de la médecine tropicale avec Guillaume Lachenal. Voilà, et à chaque fois, c'est trouver un panel de choses, mais qui sont des portes ouvertes. Mais c'est important de ne pas oublier un domaine important de cette thématique-là. Donc dans le dernier numéro, notamment, il y a, puisqu'il s'agit du ciel, une histoire des débuts de l'aviation. Mm-hmm. Et un portrait d'un personnage extraordinaire que j'ai découvert grâce à vous, Adrienne Bolland. Oui, une femme extraordinaire. Parce qu'on a, on parle beaucoup d'hommes et de femmes, du coup, dans chaque numéro, qui vont vraiment à la découverte de ces espaces. Et il y a un engouement, bah justement, une curiosité. Elle n'était pas du tout scientifique, Adrienne Bolland, mais donc elle avait comme rêve de voler à une époque où être une jeune femme et dire à toute sa famille bon, je vais voler, c'était pas forcément quelque chose d'aisé. Et pourtant, elle a fait des choses merveilleuses. Elle a fait des records. Donc, c'était en 1919, elle avait 23 ans. Mm-mm. Elle a battu des records. Elle a été la première femme à traverser la cordillère des Andes, un 1er avril, mm-mm, au point que l'ambassadeur de France, je crois, n'a pas cru. Il pensait que c'était un poisson. Mm-mm. Alors qu'il y avait beaucoup d'hommes tels que Mermoz, les grands noms de l'aviation. Voilà, elle a fait ce record-là avant, parce qu'on dit souvent les records, il y a le record masculin, puis il y a le record féminin. Elle, c'est le record de toute la communauté des aviateurs. Et ça, c'est bon aussi de le rappeler. Elle avait une devise assez motrice, sa devise était « foutons le camp ». Et quand Jacques Chancel, je l'ai appris en vous lisant, l'a invité à une de ses émissions Radioscopie le 19 avril 1972, il lui a dit « Vous êtes donc une femme comblée ?» Elle lui a répondu « Je me suis comblée toute seule. Mm-hmm. » C'était un tempérament. Oui, un sacré tempérament. Les cheveux courts, une dégaine, les cheveux courts en bataille, comme ça, toujours avec sa combinaison. Enfin, c'était ouais, une sacrée. Et une autre devise « Je me fous de l'opinion. » Oui, ça, dans les aventuriers, je pense que effectivement, c'est des gens qui partent à la découverte de quelque chose, un peu à la découverte d'eux-mêmes aussi, sans doute. Et en fait, qui n'ont pas tellement d'intérêt public. Enfin, ils vont chercher voilà, quelque chose. Et c'est ce qu'ils rapportent, c'est voilà, en racontant leurs histoires. Est-ce que vous pensez qu'il y avait plus d'aventuriers dans le domaine de la science ou de la technologie dans le passé qu'aujourd'hui ? En fait, il y a eu toute une époque des premières fois. Les pionniers. Ce qui marche très bien, les pionniers, voilà. Donc, par exemple, sur ces grands espaces naturels, il y a eu la grande découverte des pôles. Alors, la course aux pôles, ça a été quelque chose de fou. Il y a eu, dans les abysses, la première la descente de Monsieur Picard dans les abysses, dans la fosse des Mariannes. Voilà, c'était une première. Il y a eu, évidemment, dans l'espace, un autre de la famille Picard qui est monté dans la stratosphère, et puis les premiers hommes qui sont montés dans l'espace. Et ça, c'est... Voilà, c'est marquant, et suite à ça, il y a eu aussi beaucoup de suiveurs, des gens qu'on n'a pas retenus, dont tous les noms ne sont pas marqués dans l'histoire, dans cette histoire, mais qu'on peut retrouver, qui ont participé. Et donc, il y a eu un vrai engouement pour l'ailleurs, et pour comprendre, découvrir, en termes scientifiques aussi, ça a été une époque de... Dans les premiers naturalistes dans les zones tropicales, il y a eu énormément de plantes, énormément. C'est ça qui a vraiment complètement nourri les grands herbiers, dont le Muséum d'Histoire Naturelle, qui a quand même des collections absolument magnifiques. Il y a eu comme ça, je pense, une période très, très, très forte, très vaste, très, très porteuse. Aujourd'hui, on connaît pas mal de choses et on est beaucoup plus aussi international dans notre manière. Les savoirs se diffusent très bien. Il y a les technologies qu'on connaît de diffusion de l'information. Mais il reste quand même des zones inexplorées. Et donc, peut-être que ça sera l'enjeu de demain. Il y aura sans doute des explorateurs là-dessus. Et il y a, par exemple, je pense au fond des océans, qui est quand même très mal connu, alors qu'on connaît très loin. Dans l'espace. On s'appelle la planète bleue, pas pour rien. On a une très... Et voilà. Et pourtant, c'est même notre nom, on le connaît pas très très bien. Pourquoi ? Il y a l'intérieur de la Terre aussi. C'est très difficile de creuser à plus d'une certaine distance. Donc, en fait, c'est une petite écharpe dans la croûte terrestre qu'on fait. Donc, il y a encore de la place pour l'aventure. Mais Camille Jusot, aujourd'hui, on a surtout parlé de l'écriture de la science. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'aventure aujourd'hui aussi dans la façon de transmettre la science ? Des gens qui inventent, par exemple, je pense à ceux qu'on appelle les YouTubeurs, qui présentent la science d'une façon assez originale, en passant plutôt par l'image, par la scénarisation, par la simulation, par la langue parlée. Comment est-ce que vous jugez ces initiatives ? Est-ce qu'elles représentent une sorte de chaînon manquant pour ceux qui n'aiment pas lire, mais qui sont quand même intéressés par la science ? Si, oui, bien sûr. Pour moi, c'est absolument nécessaire qu'il y ait ces formes, ces nouvelles formes. Enfin, si elles sont nécessaires ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très bien. C'est une très, très bonne chose puisque ça a un public incroyable. Ça parle à énormément de personnes. Je pense que ça parle aussi beaucoup aux adolescents, notamment. Aussi, évidemment, des adultes. Et ça, c'est très bien à ce moment-là, je pense, de capter l'intérêt. En fait, il y a le temps sur Internet. Bizarrement, on disait un peu l'inverse tout à l'heure, mais il y a une contrainte de temps dans le journalisme scientifique, dans peut-être la presse traditionnelle, avec des notions de place, de format, etc., qui sont, ou de rapidité de l'information, de flash info, etc., qui sont compliquées pour exprimer la science. Vraiment, c'est un travail vraiment pas facile à faire. En revanche, les youtubeurs, voilà, ils créent leur chaîne et finalement, ils traitent de sujets et ils peuvent retraiter deux semaines après si ça n'a pas été bien compris, s'il y a eu des réactions, des commentaires pour, contre. Ils peuvent réagir aussi, donc il y a un véritable dialogue qui s'instaure. Vous êtes très, très enthousiaste, Camille Jusot. C'est une raison de plus pour vous remercier d'être venu à cette émission. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation François Connac. Tout de suite, vous retrouvez Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.